atteint Paris dans tout. S'entend vivre, entendant mourir, mon côté de vaurien, j'en ai plus un. La ville bleue cachait bien. S'entend un sourire sur mes lèvres, je vis de façon précaire. Caressant de tout près mes idéaux, les gens me prennent pour un idiot. On nous donne des droits, nous écoutons des lois. Ils choisissent notre destin, nous nous tuerons pour leur bien. Décidez-vous, c'est maintenant, votez pour le vrai changement. Tous ensemble et unis, choisissons notre mode de vie. De confort, mais moi je préfère vivre père à mort, me laver avec l'eau des ruisseaux, sans pensant, chantant un saut. C'était un matin parmi tant d'autres. 1, 2, 1, 2, 3, 4. Tout le monde est dans les mêmes choses, c'est comme ça au. Je sens le sourire sur mes lèvres, je vis de façon précaire. On nous donne des droits, écoutons des lois. Ils choisissent notre destin, nous nous tuerons pour leur bien. Décidez-vous, c'est maintenant, votez pour le vrai changement. Tous ensemble et unis, choisissons notre mode de vie. We'll be right back.